Was I going to sing? La vérité, la justice et la compassion sont souvent les seules défenses contre le pouvoir impitoyable. Aung San Suu Kyi, militante pour la paix birmane.